Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Game Trip FM, c'est tous les samedis de 11h30 à 12h30 sur BLE Radio. Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Les sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Check ça bien. T'as vu ? Et t'as vu ? On est en direct. On est en direct comme tous les samedis pour GTFM, l'émission spécialement uniquement dédiée aux jeux vidéo sur BLE Radio, la radio la plus proche des Lorrains. Sixième épisode cette semaine avec évidemment le meilleur de l'actu des jeux vidéo, du rétro gaming bien sûr, mais pas que, en compagnie d'une partie de la rédaction de GameTrip.net, le site de référence des jeux vidéo oldies depuis 11 ans sur internet. Et comme la semaine dernière, on va vous embarquer, Jérém rigole déjà, dans le monde des petits et des gros bits et à faire un voyage dans le temps vidéoludique. Ouais, ça fait rire à chaque fois. C'est à la sixième côté, émission quand même, hein. Et il est toujours aussi mort de rire avec cette vanne. Donc à mes côtés, j'ai donc Jérémy qui se marre. Bonjour. Bonjour. Avec toi, on va parler de ce qui fait l'actu des jeux vidéo récents cette semaine. C'est dans deux minutes. De nouveau cette semaine, on accueille Ben pour ses fameuses péripéties au coin du feu. Salut les loulous. Et aujourd'hui, il va nous parler de jeux qui font peur parce que c'est Halloween. Et ouais, désolé, mais c'est Halloween. Donc et on en parle à midi. Cette semaine, une petite addition à la rédac. Jack est là aussi. Bonjour, petit nouveau. Et ben bonjour à tous. Et la semaine dernière, on a fait gagner un jeu sur notre antenne. Vous avez été nombreux à participer. C'est Sébastien qui a remporté South Park 2 sur PS4, le dernier jeu Ubi qui est sorti la semaine dernière. On l'appellera tout à l'heure pour lui annoncer la bonne nouvelle. Au menu de l'émission, donc pas de spécial cette semaine, si ce n'est un petit peu une spéciale Halloween, on peut dire. Alors bah pour notre débat, on avait juste envie de se battre comme des zombies dans Walking Dead et de se fighter sur le débat de la semaine, c'est PC contre console. Il y a pas de raison apparente de choisir ce débat, si ce n'est qu'on n'avait pas d'idée. Donc c'est quoi la meilleure console? Est-ce que PC Master Race, tout ça, on en parle vers 12h20. Notre test de la semaine, ce sera dans moins de 25 minutes, c'est quoi? C'est The Evil Within, parce que c'est Halloween. Okay, wow. Accent. On dit donc, The Evil Within 2. The Evil Within. Voilà. Joué à Resident Evil. Ouais, c'est ça. On dit Resident Evil, oui. Nous, on dit comme ça. Le jeu de zombies, donc, qui arrive. Parce qu'on est Lorrain. The Evil Within qui sort à 21 ans après le Cador du genre Resident Evil sur PSX. C'était sorti un vendredi 13 aussi. Oui, voilà, c'était il y a 21 ans RE et maintenant c'est EW qui est la nouvelle référence. On va voir ça tout à l'heure. À midi 10, on parlera oldies rétro gaming évidemment avec l'actu de ces derniers jours et notamment des manettes GameCube. Juste après, pas de chronique musique cette semaine, mais à midi et quart, on va appeler notre auditeur chanceux à la place. Et puis en fin d'émission à 12h20, je vous l'ai dit, le débat PC console. Vous aussi, vous avez la parole, hein, si vous voulez nous donner votre avis, si vous voulez participer au débat, laissez-nous vos commentaires sur le Twitter hashtag GTFM ou hashtag BLE Radio. Sinon, vous pouvez aussi commenter sur la page officielle GameTrip.net sur Facebook. Et j'en profite aussi pour faire un petit coucou à notre auditeur Dim, qui nous a laissé un petit message la semaine dernière. On l'a pas lu à l'antenne parce qu'on l'a reçu juste à la fin de l'émission. Il nous dit sur Facebook, continuez, j'adore votre émission qui sort du carcan des émissions traditionnelles de jeux vidéo. Enfin, une émission qui ne parle pas que de jeux triple A, ça change. Voilà. Bah non, ça a pas parlé triple A. Ah non, la semaine dernière, ça a pas parlé triple A. Evil Within, c'est un peu triple A quand même. Oui, bon, on va le faire c'est un petit peu mentir. C'est double A. C'est double A plus. Deux et demi à la limite. En tout cas, ça fait plaisir pour ce message. N'hésitez pas, hein, si vous aussi voulez nous laisser des petits mots sur le Twitter et le Facebook. Et en attendant, on va commencer par la revue de presse de la semaine dans le monde des jeux vidéo, pas oldies. Et c'est toi, Jérém, qui va commencer. Tout à fait. Alors, les premiers, tout le monde les a adorés, les Metal Gear les Metal Gear en général. Et donc là, le 22 février 2018, le nouvel opus, donc Metal Gear Survive. Donc c'est effectivement pas du tout un triple A, clairement. Mais bon, je voulais quand même en parler parce que c'est la série hyper connue. Là, ça reste malgré tout un spin-off qui est fait par Konami. Et donc niveau gameplay, ça va un petit peu changer. Là, il y aura du coopératif. Ça va être plus de la défense. Enfin, pour l'instant, de ce qui a été vu, ça va être plus de la défense de points. Voilà, en coop à 2 ou à 4. Il faut ramasser des petits éléments du décor pour faire du craft. Il faut buter du. Ah, c'est des espèces de zombies, on va dire. C'est des créatures un petit peu spéciales dans l'univers de Metal Gear de d'habitude. Pour l'instant, ce qui fait dire que c'est justement pas un jeu triple A, c'est que le jeu est très très mal reçu par la communauté. Il est déjà d'une part très complexe, l'interface est vraiment très très compliquée à prendre en main, et surtout le jeu est, je veux pas faire de la mauvaise pub, mais le jeu est horrible. Ah, ah bah c'est bien vendu en tout cas. c'est pas le but de l'opération, on n'est pas là pour vendre des jeux, je pense. Oui, mais voilà, c'est et donc il sort dans Arrête. Il sort dans 4 mois, donc il va falloir qu'ils se bougent un petit peu, j'imagine, pour peut-être pour corriger quelque chose, ou du moins ça viendra peut-être avec des patchs plus tard, mais voilà, donc ça sort le 22 février 2018, c'est mal perçu, mais si vous êtes fan de Metal Gear, n'hésitez pas. Ok, moi je suis fan de Metal Gear, mais je vais peut-être hésiter. Ben, tu avais une news ? Ouais, alors c'est les promos spéciales Halloween sur le site GOG Good Old Games. GOG.com, donc qui ont lieu jusqu'au 2 novembre à minuit sur plus de 200 jeux. Et il y a plein de trucs cool. Alors ils ont essayé de coller un peu la thématique Halloween. Il y a des jeux horrifiques, enfin plus ou moins horrifiques, quoi, parce qu'on a du Dead Space à 4€. On a du Day of the Tentacle à 5€, donc horrifique. Ouais, mais il y a des tentacules, donc voilà. Ah oui, voilà. Bah, y a pas de japonaise. Mais il y a des bons jeux. Il y a Grim Fandango à 3,50. Bon. Kessart. Vampire the Masquerade. Darkest Dungeon, Hollow Knight, Hotline Miami 2, je sais pas qui est pas horrifique, mais bon voilà. Absolument pas. Il y a plein de trucs, il y a 200 jeux, il y a un peu de tout, il y a Dying Light, un jeu de zombie que j'aime beaucoup, dont je vais parler tout à l'heure. Il y a tous les Quake à moins de 5€, il y a Seven Geist à 1€, il y a Fear, tous les Doom, Corpse Party. Seven Geist, en sachant que tu le trouves gratuitement en Abandonware maintenant, je pense qu'1€ c'est le maximum. Ouais, mais par contre, du coup, si tu commandes pour moins 12,79€, tu as l'unique saison de Tales from the Borderlands, développée par Telltale. Qui est vachement bien. Ce qui paraît qui est très bien. Oui. Je ne sais pas, mais ce qui paraît, c'est voilà, Telltale, c'est les mecs qui ont fait The Walking Dead, Retour au futur. Ouais, Retour au futur, plein de franchises qu'ils ont repris avec plus ou moins de succès. Apparemment, là, ils ont bien fait le truc. Ouais. Voilà. Donc toi, tu es là pour faire de la pub, en fait. Mais complètement. Mais Good Old Games, c'est un très bon site. C'est un très bon site. Moi, j'ai les Witcher dessus, toute la série des Witcher sur GOG, ouais. Donc, voilà. Donc ouais, il y a des jeux très anciens. Quand il y a des bonnes récents, on le dit aussi. Jérém, ce n'est pas la peine de nous conspuer. Moi, je vais aller m'acheter Seven Guests alors. Voilà. Moi aussi. Enfin, je vais finir 25 ans plus tard. C'est vrai. Jérém. Oui. Donc c'est pas vraiment une news, mais c'est pour revenir sur une sortie de la semaine dont on a très vite parlé la semaine dernière. C'est Assassin's Creed Origins. Oui. Dont je sais que tu es un très grand fan vu que c'est Ubisoft. tout simplement pour vous dire qu'a priori, effectivement, selon ce que j'ai vu aussi de mes yeux vus, c'est clairement le meilleur, le meilleur de la série. On peut le dire. Voire peut-être le deuxième. Allez, ça se tient avec le 2. Après le 2, ouais. Mais voilà, ils ont vraiment bossé beaucoup de choses. Ils ont beaucoup bossé les quêtes annexes en particulier, parce que l'histoire de base est déjà vraiment très bonne. Donc là, ça se passe en 48 avant Jésus-Christ. Dans le désert. Et voilà, donc elle est au temps de l'Égypte ancienne. Et on incarne Bayek, un protecteur du peuple. Bayek. Oui, voilà, c'est Bayek et son nom de famille, c'est Ouille. Voilà. Oui, c'est Monsieur Oui, quoi. Voilà, c'est Monsieur Oui. Et voilà. Et surtout, la grosse différence qu'il y a avec les anciens, c'est que là, ils sont passés sur un mode RPG. Alors, c'était déjà un petit peu le cas avant, mais là, on passe vraiment. On a des stats sur les armes qu'on récupère, sur tout le stuff. L'arbre de talent est vraiment plus complet et tout ça. Il y a un vrai système de craft et tout ce qui est fait à ce niveau-là est vraiment plus accessible. La palette de pareil en combat est vraiment géniale. Après, clairement, ils se sont inspirés de Witcher 3 dont on parlait juste avant pour l'open world et tout ça. Mais ça rend vraiment super bien. Il y a quelques petites choses perfectibles par rapport à l'IA, mais niveau surtout détection de l'IA. Mais pour l'instant, il est sur le podium des meilleurs Assassin's Creed. Mais il y a encore un petit peu de progression potentielle pour le prochain. C'est un retour aux sources, comme son nom l'indique. D'ailleurs. C'est ça. Et voilà, nous, je sais pas si on le testera pour la prochaine. Je devrais le recevoir aujourd'hui. Et du coup, éventuellement, pendant 2 semaines, on verra si on prend celui-là ou s'il y a autre chose de plus oldies, parce que c'est pas très oldie quand même. C'est oldie dans la date, c'est 48 avant Jésus-Christ. Voilà, complètement. Et puis c'est comme ça, un retour aux sources, hein, c'est presque du oldie. Tu aurais encore une petite news, Jérém. Oui, pareil, en sortie de la semaine, on a eu une grosse semaine. Il y avait Mario Odyssey, il y avait Assassin's Creed, et là, il y a Wolfenstein 2, The New Colossus, donc qui est la digne suite de The New Order, voilà. The New Order, où donc le héros finit son combat contre le boucher dans un bain de sang et tout ça. Ah, spoil. Mais oh, et ça va. Je vais l'acheter, voilà. Ça fait 5 ans qu'il est sorti, ça va. C'est ça. faut pas déconner. Non, là, c'était pour dire que c'est toujours pareil. C'est très déjanté, c'est très gore. Mm. Là, c'est un petit peu pareil niveau de l'IA, de ce que j'ai vu et un petit peu joué. L'IA est pas extraordinaire. Par contre, les gunfights sont géniaux. Et heureusement que les créas en face sont, enfin les créas, pardon, c'est des humains. Que les robots et les humains en face sont débiles, parce que ça serait clairement le jeu serait beaucoup trop difficile sinon. Mmh. Les gunfights sont super longs, super soutenus, mais niveau graphique c'est vraiment sympa, niveau le scénar est génial, c'est super déjanté, super sombre en même temps. Et voilà, c'est vraiment un jeu à prendre si vous avez aimé les anciens Wolfenstein. Et Jack a l'air fan, hein. J'adore Wolfenstein. Ouais. Non, si j'aime bien, mais là vu que j'ai la fin du New Order, je pourrais plus y jouer, quoi. Je suis désolé. Ouais, voilà. Merci, Jérémy. Ouais, je vais vous flashouiller à la fin de l'émission. Non, si j'adore ce jeu. On m'a dit que les combats étaient peut-être parfois un peu longs, c'est ce que j'ai lu, mais ouais, bon, faut essayer d'y jouer, quoi. C'est ça. Ben, on a une minute, si. Ouais. Si alors c'est sur Breakaway, c'est le premier projet d'Amazon Game Studios qui s'est cassé la gueule. Enfin, ils disent qu'il est suspendu, mais a priori, ce serait plus arrêté, quoi. C'est un jeu entre Overwatch et Rocket League, style Team Fortress, tout, qui devait mettre en scène des équipes un peu basées sur des figures légendaires et mythologiques, comme les Incas, les sorciers, etc. C'est vrai que les communautés, des gens s'en foutaient un peu, quoi, de ce concept un peu vu et revu. Mmh. En tout cas, c'est quand même leur premier projet. Ça l'a fait mal pour eux, quoi, abandonné. Ils avaient recruté des gens qui ont bossé sur Burnout, Need for Speed, Portal, Far Cry. Et puis, jusqu'à nouvel ordre, c'est coup d'arrêt, quoi. Ils ont dit que voilà, ils ont développé l'alpha. Et que durant l'alpha, nous avons reçu de nombreux retours qui nous tiennent à cœur. Sous-entendu, qui nous disent au secours, c'est horrible. Dans le but de faire les choses correctement, nous avons laissé notre équipe prendre le temps de faire évoluer le gameplay. Ça rappelle le communiqué que j'ai donné la semaine dernière de Rockstar, je crois. Ouais. Un peu langue de bois, quoi. Donc, voilà. Ok, bah tant pis. Alors, tant pis. Ils ont deux autres projets qui s'appellent New World et Crucible, mais ils n'ont pas donné de nouvelles encore. Donc Amazon, voilà, tout ça pour dire, on a des nouveaux acteurs qui se lancent un peu partout, qui font des séries, qui font des jeux vidéo, et puis tant pis finalement. Voilà, hein, finalement, on va attendre encore un petit peu. On va voir ce que ça donne. Ouais. Ouais. Les coups de cœur et les coups de gueule. Et c'est Jérém qui va nous donner son premier. Non, non. Ah non, tu voulais. Ah non, tu voulais. C'était une surprise. Donc c'est Ben alors. Ben qui commence avec son coup de gueule. C'est un peu. Bah justement, c'est un peu en lien avec le coup de gueule de la semaine dernière où je parlais de du nouveau jeu Star Wars narratif qui avait été abandonné en fermant carrément le studio Visceral Games. Ouais. Voilà, pour partir sur une expérience plus vaste, sous-entendu, qui permet de vendre du DLC et tout ça. Voilà, c'est un petit coup de gueule. Donc voilà, bon, c'est sur le sujet en général, c'est des propos de Rockstar qui s'expliquent sur pourquoi dans GTA V il n'y a pas eu de DLC solo, parce que GTA IV il y avait eu The Lost Endame et The Ballad of Gettoni qui avaient beaucoup marché. Ben, parce que dans GTA V il y a eu 20 000 DLC multi. Voilà. Alors voilà, parce qu'ils ont dit oui, non, parce que voilà. Et puis, alors le truc, c'est que en même temps, avec nos trois personnages, c'est un peu comme si on avait donné trois jeux en un. Ouais, la justification, parce qu'on peut jouer avec trois personnes GTA V. Bon, ok, c'est super, le jeu a une bonne durée de vie, mais il y a tellement d'extensions multi, de tout n'importe quoi sur des skins d'avions, des camions, des conneries, enfin des conneries. Ils ont Imran Sarwar, qui est un des principaux concepteurs du jeu, a dit que nous, dans cette compagnie, nous aimons les jeux solo plus que tout et nous y croyons fermement. Pour ce qui est de la narration et du sentiment d'immersion, les jeux multijoueurs ne rivalisent pas avec les jeux solo. Donc il s'explique en fait en disant que avec le boulot qui est sur GTA V, avec le développement de Red Dead Redemption 2, que c'était ça n'a pas été possible de faire des DLC pour GTA V. C'est con parce que tu vois, moi ils me vendent des DLC. Ce qui est un peu foireux comme pratique, moi je les achète. C'est un peu bête. Mais de dire, ouais, non, on va faire du truc multijoueur pour. Non, ça, je n'aime pas ça. Bon argument. Voilà, donc. On verra pour les prochains jeux, disent-ils. Exactement. Jack, tu avais un coup de gueule. Bon, pour la première, je vais faire un coup de gueule généraliste. Hein, c'est-à-dire, là, en regardant un petit peu les tests sur Evil Within 2, bon, on voit régulièrement. Les graphismes sont vraiment nazes. Alors bon. C'est vraiment tellement 2014, et puis pensez aux gens qui ont des PC de 2014, Moi, j'ai tenu pendant 15 ans avec un 286. J'ai joué à Sam & Max à l'époque, c'était lent. Et là, du coup, je peux jouer un jeu de 2014 quasiment en full. Et bah c'est bien, c'est-à-dire faut penser au mec qui a joué à Evil Within 1, qui a envie de jouer au 2, qui a pas envie de racheter avec une carte graphique. Machine, voilà. Bah voilà. Moi j'ai quand même changé la carte graphique depuis. Mais après c'est pas si vilain que ça, quoi. C'est-à-dire il y a des jeux indés en 8 bits, les mecs trouvent ça exceptionnel. Ouais. Et le pixel art est devenu. Les mecs, oui, non mais quand même dans Evil Within 2, les cheveux sont pas réalistes. Si je veux voir des cheveux réalistes, je vais acheter du sors pain. Sors dans la rue, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Bon, après, les mouvements du mec sont pas hyper réalistes, ouais, bah, même pour moi. En plus, faut penser que le mec, c'est un vieux flic alcoolique. Forcément, il se déplace pas particulièrement de façon souple. C'est bien comme argument scénaristique en disant ouais, c'est mal animé, mais c'est parce que nos personnages sont tous alcooliques et vieux. Alors, c'est parce que notre personnage. Bah, c'est un concept. Et basé sur Gérard Depardieu, c'est normal. Je travaille sur Bethesda, pour ça, je travaille chez eux, ah, c'est des tuyaux. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est un coup de gueule, mais un coup de cœur en même temps, puisque comme ça, on pense à ceux qui n'ont pas les moyens de se racheter un ordinateur. Carrément. Voilà. Et qui dit qu'Evil Within 2 est bien. Finalement. Ah, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, pendant le test. Pendant le test. Un petit peu le test. Moi, j'ai un petit coup de cœur cette semaine, une fois n'est pas coastume. Mon coup de cœur, c'est... ça te fait rire, ça. Mon coup de cœur, c'est Pixel Music Story. Alors, c'est un événement qui se passe jusqu'au 10 novembre à Dijon. Il y a plusieurs associations qui ont fait, qui vont faire pendant tout le mois, quasiment, bah, de là, d'il y a une semaine jusqu'au 10 novembre. Des ateliers, des rencontres, des concerts, une game jam même dans toutes les bibliothèques de la ville, donc dans les 6 bibliothèques de la ville. Le groupe The Hitboxes qui fait des reprises de musique de jeux vidéo, tu connais peut-être Jack? Non, je connaissais pas, ils sont en concurrence avec moi. Voilà, c'est ça. Je connaissais pas, non. Bah, The Hitboxes font donc des reprises de musique de jeux vidéo et du coup ils vont faire des concerts dans les, voilà, les soirs dans les bibliothèques. Il y a aussi des jeux rétro qui seront en libre service qu'on pourra aller jouer. Il y a des expos sur les musiques de jeux vidéo. On peut entendre les premiers bips des salles d'arcade japonaises dans une espèce de rétrospective comme ça. Et niveau jeu, ben, ce sera du musical, il y aura du oldies, il y aura du récent, il y aura rock band, il y aura guitare Donkey Konga, qui est un peu plus ancien pour les plus vieux. Et la semaine dernière, il y avait même Christophe Herral, qui est le musicien de Rayman et de Beyond Gun and Evil, qui était présent pour une masterclass. Donc voilà, donc à Dijon, comme quoi il se passe des trucs. Il n'y avait pas Michel Ancel. Pardon ? C'était Dijon ou Lyon ? Dijon. Ah, Dijon. Dijon, ouais. Qu'est-ce que ça dit s'il n'y avait pas Michel Ancel. Non, il n'y a pas Michel Ancel. Il était retenu pour un apéro. Voilà. Voilà, il faisait du cheval. Alors voilà, mardi prochain, il y a une quiz musique et jeux vidéo à 18h. Jeudi, il y a un atelier pixel art. Il y a un atelier création musicale sur Amiga vendredi. Si vous êtes intéressé, vous allez sur piki.fun. Parce que maintenant, il y a des adresses en .fun. Ah bah du coup, on va terminer avec... On l'attend avec impatience. Ah, on n'a plus le temps. Oh, ah oui, c'est vrai que... Hey, va falloir faire vite. Hein. Oui, oui, je vais faire vite. Non, j'ai pris ce coup de cœur, slash gueule, slash... Bah, je sais pas trop ce que c'est. Parce que c'est un mix, en fait, entre... C'est pas vraiment du jeu vidéo pur. C'est un mix entre la VR, donc qui arrive de plus en plus, entre la vie IRL et du RPG, en fait. Vous allez comprendre. Ah. C'est... Quoi, bon, dis-nous, c'est quoi ça, c'est un programme qui s'appelle le Big Data en Chine. Et donc c'est prévu pour l'horizon 2020. Il y a déjà un programme pilote en cours actuellement, fait par 8 boîtes là-bas. Et en fait, c'est vrai que je suis un peu partagé entre c'est l'évolution normale de l'humanité et mon Dieu, les pauvres, ça va être compliqué quoi. Et le concept, c'est chaque citoyen chinois va avoir des points, comme un espèce de permis à points, et va gagner des points en fait pour chaque action ou en perdre pour chaque action. Donc ils vont en gagner pour genre payer leurs impôts à temps, pour s'occuper de ses parents ou de son gamin et tout ça. Et ils vont en perdre pour ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est un RPG. Et en fait, t'as peu de points, ils te tirent une balle dans la tête. Non, alors justement, ce qui va être intéressant pour justement bien se conduire et tout ça, c'est que derrière, t'auras un prêt à ta banque plus facilement, t'auras ton gamin plus facilement dans des bonnes écoles. Non, sérieux, non, c'est vraiment ça. T'auras des goodies autocollants et tout. Non, comme je dis, c'est pour moi, c'est moche pour eux, mais en même temps, c'est ouf, en fait. Donc, tu sais pas si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule au début. Je sais pas si j'aime ou pas. En fait, le truc, c'est que je me dis, l'homme est en train de devenir, il devient maître de son, il fait son propre karma, en fait, et je trouve ça, dans un sens, récompenser les bonnes actions dans l'absolu, c'est pas déconnant. Après, ils vont pas non plus, mettre une balle à ceux qui payent pas leurs impôts. C'est juste en Chine. Après, on sait pas les dérives que ça pourra générer, mais je trouve l'idée c'est innovant. Oui, non, c'est vrai. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. BLE Radio. Et donc, on se retrouve juste après. Merci pour ces coups de gueule et ces coups de gueule, évidemment. L'inverse même, coups de gueule. Et on se retrouve du coup juste après la musique pour parler du test de la semaine qui est donc The Evil Within. Ah, on va pas y arriver à le dire. Hein. De Evil Within. De Evil Within 2. Ok, bon, parce que c'est une spéciale Halloween aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après Starboy de The Weeknd. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. Nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull off in that roadster SV, pockets overweight and hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition I don't really listen, I'm in the blue moon song, but new edition, house so empty, need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. I like to get any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga brag pit, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith of Khan. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Vous écoutez BLE Radio partout en Lorraine sur bleradio.fr. Et nous sommes de retour dans Game Trip FM pour le test de la semaine. Et cette semaine, c'est, je te laisse le dire toi-même. Eh ben, ce sera The Evil Within 2. Voilà, qui est un jeu d'horreur. Ah, c'est mieux prononcé. Parce que oui, bah ça va. Donc, écoutez, déjà, vu que c'est ma première émission, je remercie tout le monde d'écouter Game Trip Radio, hein, c'est sympa. Et puis, je vais essayer de faire de mon mieux. J'ai même pris des notes, donc c'est plutôt cool. Et donc, vu que c'est bientôt Halloween, alors on m'a proposé de faire le test de Evil Within 2, donc tout d'abord parce qu'il vient de sortir, hein, le vendredi 13 octobre dernier. Et on écoute la musique. Et, oh, fantastique. Et de deux, parce qu'elle était super la musique là, mais c'est dans le 1. Oui. Et de deux, parce que je l'ai terminé, donc voilà, j'ai un peu geeké, celui-là il était sympa. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le personnage principal est le même qu'en dans le premier, à savoir un inspecteur de police qui est devenu alcoolique. Donc, classique. Il est resté entre le 1 et le 2, en fait. Ouais, complètement, ouais. Tu veux dire d'accord. Classique pour un inspecteur de police? Voilà, ou classique pour un inspecteur de police. Surtout en Lorraine. Et, Ah, ça se passe en Lorraine. Eh oui, c'est thématique. Bah, Castellanos, c'est du Lorrain. Et donc, suite à la mort de sa fille et la disparition de sa femme. Hein, voilà. Max Payne, donc. Hein. Ouais, c'est vrai. Et donc, cette fois, on lui apprend. Alors, c'est pas du spoil, parce qu'on le voit dans les 3 premières minutes du jeu, que sa fille est vivante. Donc, forcément. Forcément, il va devoir retourner dans le STEM, donc c'était l'engin qui était dans le premier, l'appareil de connexion de cerveau et d'esprit, afin de la sortir de là, parce qu'elle n'aimait plus de signaux depuis quelques jours. Hein, donc c'est vraiment pas du spoil, hein, on apprend ça dans l'intro du jeu, quoi. Alors bon, je dois déjà préciser que je suis pas un énorme fan de jeux d'horreur. Hein, donc les gens qui aiment bien se mettre dans une pièce fermée à clé en pleine nuit sans lumière, c'est pas forcément mon truc. Mais j'avais beaucoup aimé le premier parce que le côté thriller psychologique, pour ceux qui sont un peu au cinéma, moi j'avais adoré Seven à l'époque parce que au-delà de l'horreur pure, il y avait une espèce de pression psychologique qui me plaisait. Et non, le nom japonais du jeu c'est Psycho Break, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec ça. Hein. Mais dans le premier, ce qui était intéressant pour ceux qui l'ont fait, la peur naissait de l'inconnu. On arrive dans un asile et on sait absolument pas ce qu'on fout là, quoi. C'est-à-dire, on arrive, on se fait courser par un mec avec une tronçonneuse. Et donc, la peur, on sait pas ce qui va nous tomber dessus. Dans le 2, passé l'intro, on se retrouve rapidement dans un monde ouvert où les zombies sont facilement repérables. Vous avez un truc avec des yeux rouges, c'est un zombie. Même s'il est assis, vous voyez que c'est un zombie. Et le monde ouvert dure un bout de temps, hein. C'est la principale nouveauté de Evil Within 2. Donc, moi, ça me va parce que du coup, ça fait pas si peur que ça, mais pour celui qui veut vraiment un jeu d'horreur pur, là, peut-être qu'il pourrait y avoir de la déception. Hein. Mmh. Après, le truc bon que moi j'ai bien aimé par contre dans le jeu là, c'était que le jeu aussi sur passage flippant, passage calme, passage flippant, passage très très très flippant, passage calme. Donc pour moi, c'est bien, hein. C'est-à-dire, bon, même si après j'étais quand même hyper tendu après avoir vu ce truc là, mais voilà, c'était assez sympa pour ça. Bon, après, pour les critiques, hein, l'histoire, je la trouve bien ficelée. Hein, j'avais regardé, quand j'ai fini le 2, j'ai regardé un petit peu pour essayer de comprendre l'histoire. C'est quand même moins torturé que le premier. Donc, alors, on va raconter un petit peu la fin. Donc, non, du deuxième. On va raconter la fin du deuxième, voilà, pour faire peur aux gens. Non, mais voilà, bon, disons, bon, le mec va chercher sa fille. Si vous réfléchissez bien, l'histoire est moins torturée. La fin, vous devriez arriver à comprendre. Et le premier, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui n'avaient pas compris le jeu, quoi. C'est-à-dire, c'est une critique récurrente qu'on avait vue sur le premier. Les gens n'avaient rien compris, moi le premier, hein. Et du coup, dans le 2, vu qu'on comprend mieux l'histoire, on est plus en confiance, on perd le côté imprévisible. Y a 3 niveaux de difficulté accessibles dès le début, il n'y en avait que 2 sur le 1. Donc du coup, bon, il y a Casual que je vous déconseille vivement, parce que le monde survie, qui est juste après, n'est pas hyper complexe. Hein. Casual, c'est vraiment, ils expliquent. Hein, y a Tango Gameworks qui avait lancé le jeu, ils avaient dit, bon, vous prenez ça si vous voulez juste voir l'histoire, mais... pas forcément vous embêter à massacrer du zombie. Survie, on meurt quand même de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est parce qu'on a lamentablement merdé sur un truc, on est arrivé sans munitions. Et là, je viens de démarrer le mode cauchemar. Bon, là, c'est un peu plus galère. Et là, il y a plus de craft, en fait. Grosso modo, la seule différence, c'est qu'on récupère plus de poudre pour faire les munitions, mais on trouve moins de munitions, quoi. Et il existe, alors là, micro-spoil, fermez les oreilles si vous voulez avoir une surprise, il existe un mode classique, où là, j'ai regardé vite fait ce que ça donnait, c'était à peu près le même jeu que le mode cauchemar, sauf que vous n'avez droit qu'à 7 sauvegardes, plus de sauvegardes automatiques. Donc bon, vu le jeu, ça doit être quand même un challenge, parce qu'il y a quand même quelques parades, quelques passages avec pas mal de zombies, où c'est un peu complexe. Bon, la durée de vie, c'était correct, hein, c'est une quinzaine d'heures, en tant que le premier. Les twists de l'histoire, c'était simplicité, sans être prévisible, ça saute quand même un peu à la gueule. Et c'est donc très difficile de faire un test sans faire de spoil. Alors j'ai vu sur énormément de sites, à chaque fois des photos, des trucs, 95% de spoil sur ce jeu, on perd quasiment tout, quoi. Ouais. Donc je vais m'arrêter sur les points positifs et négatifs, je vais pas vous parler du jeu pour ceux qui veulent le faire. En négatif, hein, pour commencer, pour les amateurs, le jeu est rarement très flippant. Quelques scare jumps, moi je supporte pas, mais les rares fois où ça m'a surpris, c'était bien amené. Donc je m'adresse à Bethesda en leur demandant d'arrêter de balancer des trailers contenant 80% du jeu. Il y a le même problème au cinéma, les meilleures scènes sont dans la bande-annonce. C'était pareil, les 3 scènes vraiment flippantes du jeu, je les avais vues. D'habitude je regarde pas les trailers, mais là j'avais voulu voir avant. Pas mal d'armes, mais beaucoup de variantes d'une même arme, donc j'ai pas vraiment compris tout l'intérêt. Un pistolet avec un laser, bon, je vois. Et peu de variantes de bestiaires. Il y a des upgrades, vous avez un zombie un peu plus badass. Voilà, bon, il n'y a pas une grosse variance, quoi. Point positif, les temps de chargement, c'est très bien géré, c'est quasi invisible. Point positif que j'ai cité dans mon coup de gueule de tout à l'heure, ça tourne chez moi. Donc ça c'est bien, avec un FNMX 4, carte graph ATR 7, un boss de fin qui est vraiment badass, et une histoire qui, sans atteindre la complexité du premier, se laisse suivre, répond à pas mal de questions, et des collectables qui raviront les amateurs de haut fait. Donc bon, notamment, on trouve tout au début du jeu, on trouve le masque de Corvo, Dishonored. C'est après les autres collectables, c'est du même tonneau. Et ça rapporte un petit plus, quoi. C'est assez sympa. Moi, je lui mettrai un 15 sur 20 sur ce jeu-là. J'ai passé un excellent moment avec ce jeu. Et le seul conseil que je vais vous donner, c'est ne regardez pas les trailers. Ouais. Parce que sinon, vous allez vraiment perdre le truc. On peut monter pour les amateurs du genre, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Surtout, il ne faut pas jouer à ça avec ses enfants, parce que quand ils descendent et qu'on n'est pas prévenu, ça fait peur. Ouais. Et ne regardez pas non plus le trailer de Blade Runner 2042, puisque, comme tu disais tout à l'heure, tu as tout vu dans la bande-annonce. Ouais, c'est incroyable. Voilà. Je suis vu aussi, et j'ai envie d'aller voir le film, quoi. Donc, jeu Bethesda, hein, on l'a dit, Masque de Corvo, comme Dishonored, qui était de Bethesda aussi. Voilà, donc il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui cherchaient s'il y avait des traces de Fallout dedans. Alors, cherchez bien. Moi, je l'ai trouvé hier, il y en a une. Okay. Donc, Ah, bah du coup, Ben va y jouer, là. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Voilà. C'est, façon, Bethesda. Alors, je vais filer l'info, comme ça, ça vous fera une astuce en même temps. Vous avez une espèce de gros monstre, je crois que c'est niveau chapitre 5. Et ben, il faut revenir voir le gros monstre, et puis c'est pas loin. Vous cherchez bien, vous devrez trouver une petite set de Fallout. En plus, on vous donne des aides. C'est incroyable. Cette mission, c'est incroyable. 77 sur 100 en Metascore sur Metacritic. Donc, pour l'instant, très très bonne note, à peu près, presque 8 sur 10 de moyenne, hein, sur tout ce qui est sorti sur Internet. Donc voilà, c'est sorti le 13 octobre sur PC, PS4, Xbox One, et on vous conseille de d'y jouer quand même. Pour les critiques finales, les critiques qu'on voit régulièrement, c'était les masques de collision, et j'ai oublié d'en parler, c'est la bêtise artificielle des zombies, quoi. Ouais. C'est-à-dire, elles sont vraiment cons comme la pluie, quoi. Enfin c'est des zombies, hein, mais. Oui, voilà. On va dire comme c'est comme le mec bourré, quoi. C'est réaliste, c'est des zombies, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, c'était vraiment la bêtise artificielle. Quoi. Ok. L'histoire au coin du feu de Benjamin. Chaque semaine à la même heure, Ben va nous parler de ses aventures et péripéties imaginaires qui lui arrivent lorsqu'il joue. Arrête avec ce mot imaginaire. Si. D'accord. Et comme on est à Halloween, il va nous conter ce qui lui est arrivé en jouant à des histoires d'horreur au coin du feu. Ouais, c'est ça, exactement. On peut dire ça. Bah, je vous ai préparé un petit florilège de jeux dont l'ambiance. Ah super, tu m'avais promis qu'il y avait de la bonne musique. Là. C'est parfait. De jeux qui m'ont fait peur. Alors, Jack a mentionné le scare jump, qui est un effet où on sursaute en fait, quoi, quand on voit quelque chose à l'écran qui nous surprend, qui est beaucoup utilisé dans le cinéma d'horreur. Donc pour moi, ça c'est pas du cinéma d'horreur comme les jeux avec juste une bête qui sort du noir qui fait ça fait peur. C'est outrancier un petit peu maintenant. Ouais, c'est beaucoup utilisé. Quand il y a pas de fond, mais un scare jump. Il y a plein de gens qui disent j'adore le cinéma d'horreur. En fait, ils vont voir que les films où il y a des scare jumps. Voilà, bref. Bon, il y en a quand même plein. C'est une mécanique qui marche bien. Mais j'ai essayé de trouver des jeux où c'est plus la bonne vieille angoisse, quoi, le bon vieux malaise. Si je veux. Hein. je vais commencer par la Resident Evil, quoi. Forcément, c'est des classiques. Moi, il y a des trucs qui m'angoissent, c'est les murs qui se rapprochent. Ça, c'est un truc. c'est un truc qui m'angoisse ultimement, quoi, comme dans les films genre Indiana Jones, je crois que c'est le Temple Maudit, ou dans Star Wars. Ça, c'est un des premiers trucs qui m'a fait peur quand j'étais gamin. Pourtant, Star Wars, ça fait pas peur, normalement, pas trop. Quand il tombe dans le collecteur d'ordures et que les murs se rapprochent, putain. Là, horrible, j'en faisais des cauchemars. Et donc, il y a ça au tout début de Resident Evil 1. Et puis, de Resident Evil 4, le bruit des tronçonneuses. Ah. Quand t'as croisé pour la première fois un bonhomme avec une tronçonneuse, il t'éclate. Quand tu l'entends après. Quand t'entends la tronçonneuse, putain. Et ce qui est le pire, c'est t'as des mecs qui ont un sac sur la tête, mais t'as aussi des grands-mères avec des tronçonneuses. Comme dans le mode arène. C'est pas logique, on va pas couper des arbres, les grands-mères. Bon, elles coupent des têtes, et quand t'entends le cri, comme ça, avec la tronçonneuse, putain. Ça, après, dès que ma grand-mère, elle mettait le taille-haie en marche, en disant, viens voir ton jus de groseille. C'était horrible, quoi. Et thermique, alors, du coup, parce que le thermique, ça fait quand même plus peur que le taille électrique. Je sais pas sûr, mais en tout cas, c'était. Ça coupe moins bien, alors c'est plus sale. Une rosonneuse, quoi, c'est ça. En tout cas, ça coupait des têtes. En tout cas, ma grand-mère coupait des têtes. Ma grand-mère coupe des têtes, t'as vu? En enfer. Alors, Blood, j'avais évoqué. Blood, c'est un FPS dans la veine du Duke Nukem 3D, d'ailleurs, avec le même moteur. Sorti à, je sais plus, j'ai pas net sorti. Après Duke Nukem 3D, quoi. C'est super bien fait, avec des environnements qui rappellent le cinéma d'horreur, avec des temples, avec des, on peut jouer au foot avec les têtes des zombies, on a des fourches, de l'aérosol pour faire des flammes et tout. Et le truc le plus flippant du jeu, c'est la chose, vous savez, c'est la main de la famille Adams. Alors, les mecs de la famille Adams, ils avaient quand même réussi à te faire d'un truc juste horrible. Un personnage super sympathique. Lui, la chose, tout le monde adore la chose. C'est quand même une main qui se déplace sur ses doigts comme une araignée. Il n'y a rien de dégueulasse et flippant au monde. Et dans Blood, ils ont renversé les trucs. C'est-à-dire que le pire ennemi du jeu, c'est la chose. Ils sont tout petits, ils sont durs à shooter. Et s'ils te touchent, t'es mort parce qu'il s'agrippe à ton cou. Et l'écran devient tout noir et tu meurs. Et du coup, dès que tu vois la chose, tu rentres en stress, t'as peur tout de suite, quoi. Et bon, ils auraient pu nous faire encore plus peur parce que la chose ne fait que t'attraper le cou, donc ça va. voilà. Et s'il y en a deux, du coup, elle se débrouille comment? S'il y en a deux, je sais pas, elle discute un peu pour savoir, c'est le mien ou quoi? Je sais pas. En tout cas, il n'y en a qu'une qui s'accroche à ton cou. Je veux pas savoir ce que fait la deuxième main. La deuxième main fait pas que tu meurs, elle te. Ouais, on verra viol. Bien. Et je ne peux résister à l'envie de parler d'Alan Wake. Oui. Voilà. Les petits films, notamment. Alors, Alan Wake, c'est on incarne voilà, un écrivain, sa femme disparaît dans des circonstances mystérieuses. Apparemment, il n'est pas sûr de sa santé mentale, il erre dans les bois, en trouvant des indices et tout. Et l'ambiance est super bien foutue. Ouais. D'ailleurs, quand ils avaient fait la présentation aux journalistes, ils les avaient emmenés dans un manoir. Et en faisant une conf, en commençant une conf, les mecs se disaient ah ouais, ils ont juste mis un manoir un peu flippant. Bon, ils écoutent la conf. Et t'as un mec qui arrive en faisant vite, il faut partir. Et il les prenait dans les voitures et il les emmenait dans les bois. Dans les bois. Il les lâchait dans les bois avec une lampe de poche, ce qui est l'arme du jeu, entre guillemets, quoi. Et il y avait des comédiens qui étaient cachés dans les bois et qui faisaient des zombies. Et ça va être génial. Et donc. On n'était pas invités. On n'était pas invités, c'était dans le Minnesota, donc voilà. Et il y a des petits films inspirés de The Twilight Zone, la quatrième dimension, dans Alan Wake, qui sont super malsains et qui font peur et tout sur noir et blanc. Et voilà. Et Alan Wake, c'est un peu Stephen King, le jeu. Et ça n'a pas été approuvé par Stephen King, mais tout ce qui a été approuvé par Stephen King comme adaptation, c'est de la merde. Donc, ça, c'est de la merde. La série Le Fléau. C'est sympa, ça. Le vieux ça. Bah, le vieux ça. Le vieux ça, c'est bizarre comme phrase. Le vieux ça. Tu connais avec ce clown, il fait pas peur. Enfin, quand t'es gamin, il fait peur. Alors que nouveau, il fait peur, mais c'est juste le film qui est pourri. Voilà. C'est pas forcément un bon film ou un bon jeu quand ça fait peur. Combien de temps il me reste? Il te reste moins une minute. Ok. Bah, on peut citer entre Dying Light, oui. Le jeu de zombies aussi, où en fait le principe c'est que la nuit tombe. Excellent. Quand la nuit tombe, t'as des zombies qui sont beaucoup plus forts, très très rapides. Et qui te courent vraiment après. Ils font du bruit. Voilà, ils font du bruit. Tu cours et tu dois faire. Ton personnage il fait du parcours et tu peux sauter et tout. Mais en gros, à moins d'atteindre un très haut niveau, si tu touches, t'es mort. Et il y en a partout. Donc ça me rend un gros stress. C'est cool. Quoi d'autre? Ah ouais, dans BioShock, les petites filles, les petites sœurs avec leurs seringues qui plantent dans les personnages. Oui, viens me chercher, j'ai envie de jouer. Un peu la Shining comme ça. Et que tu peux d'ailleurs buter. Hein. C'est assez. Voilà, BioShock finalement. C'est normal, ça fait flippant. Un peu flipper. Et puis voilà. Moi, j'aime bien ce Walking Dead. Bah non, mais j'ai pas joué à Silent Hill ni Alone in the Dark. T'as pas joué Alone in the Dark. Voilà. Il y avait Jack in the Dark après aussi. C'était un Jack in the Box en fait. De Tim Burton. Non, mais c'était presque ça. Ouais. C'était un petit jeu qui était vendu avec le 2, je crois. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, ça fait peur tout ça. C'est tout ce qui fait peur. Ouais. Moi, j'ai quelque chose qui fait un peu moins peur, c'est la musique, puisqu'après, on se retrouve pour parler des oldies. Vous allez voir, ça fait vraiment pas peur la musique là. Your job's a joke, you broke. Your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, complètement planté sur le son. J'ai voulu envoyer un jingle, mais il y a un autre truc qui est parti à la place. On se retrouve donc pour les oldies maintenant, pour la partie oldies, et on va parler de tout ce qui a fait l'actu du rétro gaming. Et première petite news que j'ai trouvée, c'est pas forcément complètement du oldies, mais un petit peu quand même. C'est la Microsoft qui a annoncé que les trois générations de jeux Xbox allaient se retrouver toutes dans la même console. C'est comme ça qu'ils le présentent. En fait, c'est les classiques de la Xbox première du nom. Par exemple, ils donnent quoi ? Star Wars Knight of the Old Republic ou Crimson Sky High Roads, qui allaient se retrouver rétro-compatibles avec Xbox One. Et ils ont annoncé que dès le lancement de la Xbox One X, donc c'est le 7 novembre, la nouvelle qui est un peu HD, 4K, tout ça, ils allaient faire la même chose avec Xbox 360 vers Xbox One X, et que du coup, à terme, en fait, ce sera le maître mot de la Xbox, puisque toutes les Xbox pourront en gros émuler tous les jeux Xbox de toutes les autres consoles, voilà. Mais donc, par contre, la première Xbox pourra pas émuler les jeux de la X. Ah bah non. Mais d'accord. Non. C'est que la plus grosse qui pourrait émuler les jeux des plus petits. C'est toujours dans le sens là normalement, mais après ce serait bien. C'est balèze, hein. Vieille Xbox de merde. Technologiquement c'est fort, quoi. J'ai tous les jeux One gratuits. La question pertinente. La question pertinente, mais... il me semble qu'en plus c'est pas débile ce que tu dis, parce que pour une fois il me semble qu'il y aura peut-être une rétrocompatibilité dans les deux sens, entre la One X et la One. Donc tu perds à mort en qualité. Oui, non, entre la One et la One X, après. Ça va, quoi. Ouais, je pensais que c'était entre la Xbox première verte, là. Bah, en tout cas, la Xbox première verte, enfin, la Xbox One X pourra émuler de la Xbox première verte qui sera, du coup, on aura des gens en 4K avec des jeux tout pourris. Qui étaient en même pas et en 700. Et ils seront optimisés donc pour ça, on est d'accord ? Oui, ils seront légèrement optimisés, mais on va dire qu'un jeu Xbox One, un jeu Xbox première du nom, même si tu l'optimises pour la mettre sur une console 4K, ça restera des gros pixels en 4K. Oh, c'était 720p, c'était pas dégueulasse, hein, la première Xbox. Je suis même pas sûr que tous étaient en 720p. Non, peut-être pas tous, mais bon, c'était quand même. Il y en avait des pas mal. C'était pas déconnant comme technologie, quoi. C'était partie de la première la génération de la PS3. Non, peut-être pas PS3, PS2 encore. Un peu plus puissant qu'une PS2. Ouais, voilà. C'était un P3, je crois, au niveau du processeur. Donc, finalement, c'était encore pas trop dégueulasse, mais. Émulé sur une nouvelle console, bon, ça risque d'être ça va faire un petit peu saigner les yeux. Et moi, j'avais vu que les rétrocompatibilités, est-ce que ça fonctionne avec les jeux qu'on a en physique ou ça fonctionne que avec les jeux qu'on a téléchargés? En démat. Ouais, sur Xbox, en général, c'est que du démat, mais les premiers, c'était pas en démat, hein, de toute façon. Les tout premiers jeux Xbox. C'est vrai. Donc forcément, ça va être du physique. On vient de te pourrir ta news, désolé. C'est pas grave, ça me fait une minute de plus, j'en avais pas assez. Alors, les autres news que j'ai trouvées, c'est les manettes GameCube. Alors, on va parler d'une autre console maintenant. Les manettes GameCube qui vont être compatibles sur Switch, qui sont déjà d'ailleurs compatibles sur Switch maintenant. La Switch a fait une mise à jour, donc c'est la nouvelle console Nintendo. Elle a fait une mise à jour récemment qui fait que toutes les manettes GameCube sont désormais compatibles, on peut les brancher dessus, il y a la firmware a été mise à jour et du coup on peut jouer avec des vraies manettes, pas des vraies manettes, des manettes GameCube, hein, puisque les manettes de la Switch c'est plus des nunchuk, voilà. Et là, on peut jouer avec ces bonnes vieilles manettes GameCube. Donc via adaptateur, je suppose, quoi. Via adaptateur et avec, mais en le branchant directement en USB, alors. Voilà, sur le cul du truc. Visiblement ça marche. Il y a eu une nouvelle mise à jour il y a deux jours là, où apparemment ils ont viré cette compatibilité parce qu'ils se sont rendus compte que les gens préféraient jouer avec les manettes GameCube et ça les emmerdait un peu. Et finalement, certains sur internet ont dit que si on arrive à taper vite fait, qu'on va dans les paramètres et tout, on arrive et qu'on fait une redétection des manettes, on peut relancer cette compatibilité. Donc c'est qu'ils l'ont pas complètement supprimé et c'est bien sympa parce que moi je préfère jouer avec des vraies manettes qu'avec ces nunchuk un petit peu bizarres. Voilà, et puis une autre petite news rétro gaming, alors là c'est vraiment une connerie. En Bretagne, un joueur qui a vendu deux jeux... Ça commence bien. Oui, déjà en Bretagne, un joueur qui n'était pas ivre a vendu deux jeux pour 9 300 €. C'est là où on voit un petit peu les limites peut-être vraiment de la folie. C'était un vide-grenier en fait. Il a été acheté une caisse de jeux. Classique. So classique. 170 jeux dans son... Pour 3 €. Voilà, pour 150 balles. Ah, quand même. Il fait une bonne affaire, il dit ouais, machin. Et dans ces jeux, il tombe sur un jeu NES, sorti en 90, qui s'appelle Hammering Harry. Hammering Harry ? Ouais. Il coûte si cher que ça ? Alors, Hammering Harry... Lui, il connaît pas. Il dit, je sais pas ce que c'est. Il le met sur le bon coin. Il le met sur eBay. En 10 minutes, il y a un mec qui l'appelle. Il lui propose 1000 balles. Le gars, il est pas bête. Il se dit, si ça vaut 1000 balles, je peux en tirer 2005. Donc, il demande 2005. Bon, du coup, ils se mettent d'accord et tout. Le collectionneur, finalement, ils s'entendent sur 3000 balles. C'était Hammering Harry en version non ouvert, hein, sous blister, juste, encore avec l'étiquette d'origine, 365 francs, oui. Acheté chez Dog Game d'occasion, machin. Enfin, tu vois, c'est un truc un peu, voilà. Du coup, il arrive à le vendre 3000 balles. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, il en avait deux dans son carton. Donc du coup, il met le deuxième en vente. Maintenant, il est pas bête, il se dit, j'ai eu 3000 balles pour le premier, je mets le deuxième en vente. Il met le deuxième en vente, cette fois, il le met à 1000 balles directement. Et il s'entend avec le même gars qui revient rappelle, ouais. Et qui le rappelle et qui dit « Ah, vous en avez un deuxième, ça tombe bien, je voulais avoir une collecte, je vous rachète le deuxième. » Cette fois, ils s'entendent sur 6300 balles. Il l'envoie sous papier bulle dans une mallette sécurisée avec un code dessus, machin et tout, genre ouais, j'ai bien compris que c'était vraiment un truc de ouf. Et du coup, voilà, au total, il se retrouve avec près de 10 000 balles dans la poche pour ces deux jeux. Ça va un peu trop loin, non ? Ça m'a coûté cher, mais ça valait le coup. Ouais. S'il trouve toujours des blaireaux qui achètent, pourquoi pas. Moi, on m'a dit que ça sentait le fait quand même, hein, parce que le même mec rappelle pour le même. Ouais, toutes les histoires comme ça avec des grosses sommes, je me dis toujours, je me méfie quand même. Déjà, Murinari, il faut connaître. Hein, oui. C'était apparemment, c'était un vrai collectionneur. Et qui a 10 000 euros à mettre dans des vieux jeux et des connaît Murinari. Bah, tous les chroniqueurs qui travaillent sur BL Radio. Des Game Trivia. Ouais, du coup, il y a le fameux vendeur là, Julien, qui s'est expliqué sur West France. Il a répondu quand même. Pour moi, c'est une connerie de mettre autant d'argent dans un jeu qu'on n'ouvrira jamais. Mais bon, je vais pas m'en plaindre. Voilà. C'est un grand philosophe. C'est un grand philosophe de la vie. Et puis, petite dernière news, du coup, Ben voulait en parler tout à l'heure, il n'a pas eu le temps, alors je vais en parler pour lui. Tower 57, c'est un jeu qui vient de sortir, qui a été financé sur Kickstarter. 51 000 euros ont été récoltés pour un jeu qui va sortir là, le 16 novembre, et qui est un jeu de tir rétro-futuriste dans un style un peu cyberpunk, dieselpunk, très dark. Et c'est un jeu qui veut être totalement, c'est du pixel art, c'est de la 2,5D, c'est un jeu de tir qui fait gloire un peu au jeu Amiga, et ils veulent vraiment faire comme à l'époque, donc ils ont dit qu'il y aura un nombre de vies limité, des pics de difficulté de ouf, on en parlait la semaine dernière dans notre... dinosaures. Et des dinosaures. Et puis des armes du coup au diesel. C'est Mosellan alors comme jeu. C'est pas du tout Mosellan, mais il y a la taxe, il y a une taxe dessus ou les armes au diesel. On peut utiliser en ville ou pas les armes au diesel parce que. Mais on peut, mais on... alors non, on sera dans un hôtel, dans une tour, d'accord, avec des niveaux comme ça très voilà que des niveaux horizontaux. On va devoir. D'ailleurs, ça fait penser à Jurassic Park à certains moments, notamment quand les dinosaures apparaissent. Ah d'accord, ok. Ferme ta gueule. T'as compris ou pas ? Il était bien, Jurassic Park. Ça fait penser un peu à ça. D'accord. Voilà. Eh ben, on en parlera la semaine prochaine dans notre débat Jurassic Park ou Tower 57. Deux semaines. Dans deux semaines, on en parlera tout à l'heure. On va changer d'horaire. Et en attendant, une petite musique. Et on se retrouve tout de suite après pour appeler notre auditeur et pour le débat de la semaine, évidemment. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. La fête. Je voudrais te faire. Du moins c'est ce qu'ils disent, ils parlent trop. C'est pourquoi tes oreilles sifflent. À qui la faute? C'est la faute à autrui, hein? C'est les autres. Toi tu n'as qu'une seule envie. Tu aimerais faire la fête. Ta mère veut te la faire aussi. La fête. Je voudrais te faire la fête. Tout le monde te fera aussi la fête. Radio. Plus proche des Lorrains. Et oui, on appelle notre auditeur. C'est pour ça qu'on est revenu. Toujours sur Game Trip FM, évidemment. Allô, c'est Cyril Hanouna. On sait. Eh hey. J'espère qu'il va décoller. Oui, bonjour. Bonjour. Quelle Salut. Est la seule radio de Moselle qui te fait gagner un jeu vidéo sorti la semaine dernière sur PS4 ? Game Trip. Oui, bravo. Ouais. On double ton salaire. On double ton salaire. Parfait. Est-ce que tu as déjà reçu ton jeu, puisqu'on te l'a envoyé en fait déjà ? Je l'ai reçu et je suis en train de tester. Très bien. Alors Sébastien, tu as donc gagné South Park 2. C'est quoi déjà le nom ? L'Anal du Destin, voilà. Ouais. Et tu vas y jouer avec des potes du coup, je suppose ? Aussi, oui. Ouais. T'as déjà pu un peu y jouer là depuis ce matin ? J'ai testé, ouais. Alors c'est comment ? Elle fonctionne. C'est pas mal. Ok. Eh ben, merci d'avoir participé en tout cas. Tu es le grand gagnant. On va encore en faire gagner peut-être d'autres les semaines qui viennent. Tu pourras rejouer. N'hésite pas. Et puis, on te fait un gros bisou de la part de toute l'équipe de Game Trip. Eh ben, je vous remercie. Bisous. Amuse-toi bien. Bon week-end, bon jeu. Merci. Ciao. Alors, du coup. Maintenant, on va passer au débat. Comment enchaîner ? Alors, bah, le débat. Le débat. Je suis pas d'accord. Ah, d'accord. On n'a pas encore dit le thème. PC ou console ? Est-ce que tu es d'accord ? Moi, je suis pas d'accord. C'est ça, c'est pour faire chier. Alors, toi, tu commences déjà à faire chier parce que tu es pas d'accord. Comme mais on tu est sais quatre. Bon. Ok. T'as voilà. Un mec qui parle d'un PC, un mec qui parle de Resident Evil. Concrètement, il y a forcément un qui parle de console. Ah non, bah, il y a non, des non, nains. Il y a des nains, il y a des mains qui marchent toutes seules. Je deviens. Alors. La question est telle, est-ce qu'il vaut mieux jouer sur un ordinateur, on peut jouer à tout, mais il faut upgrader tous les 6 mois à 300 balles, ou est-ce qu'il faut une console où on joue à de rares exclus et des jeux moins beaux, mais qu'il faut changer tous les 4 ans pour 600 balles. Voire la 360, plus. C'était 7 ans. Oui, enfin, si tout dépend si t'as à envie de... À la fin, de... on en avait marre, mais c'était bon. Le bon temps. Non, mais la 360, t'étais pas obligé de prendre la Xbox One derrière. Et la 2600 d'Atari, ah ben non. C'était 12 ans. Voilà. Tu peux changer de constructeur, t'es pas obligé de... Bah, le truc, c'est que moi, je trouve qu'à une époque, ça se justifiait pas mal de comparer les deux, et puis même, on va dire, d'être PCiste, parce que t'avais pas du tout les mêmes jeux sur console que sur PC. C'était rare, quand même, que t'aies les jeux... ou alors, ça, l'adaptation sortait 4 ans plus tard, quand tout le monde s'en foutait. Maintenant, voilà, t'as de rares exclus sur console, mais t'as de rares exclus sur PC aussi, me semble-t-il. Disons que t'as des rares exclus sur PC, c'est qu'au moins sur PC, t'as plus de chances d'avoir tout ce qui sort sur PC que si t'as juste une console. Sur Xbox, t'auras que des exclus Xbox, mais. Pas du tout. Mais sur PC, t'auras peut-être aucune exclus, mais t'auras tous les jeux. Ceux de PS4, ceux d'Xbox. Oui, mais maintenant, la plupart des jeux, des exclus PS4, enfin, tu vois, t'as genre The Last of Us, c'est un exclus PlayStation où les joueurs Xbox ont les boules de pas pour y jouer. Sur Xbox, t'avais BioShock ou Alan Wake où les gens se sont rien à foutre. Mais il y a quelques exclus. Mais je veux dire, maintenant, tu sais que tu as un jeu qui va sortir, tu l'auras sur tous les supports. Donc, c'est un peu moins cher sur PC, je crois. Oui, toujours. Par contre, ça sort un peu après, souvent. Pas souvent. Non, mais voilà, bon, PC ou quoi. Moi, j'avais les deux pendant longtemps. Ça se complétait à l'époque. Voilà, parce que t'avais des jeux très différents, comme j'ai dit. Là, je trouve que. Bon, Jack ? Ouais, je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'en 97-98, hein, pour ceux qui étaient nés, ça pique toujours un peu pour moi. En général, les gens disaient ouais, le meilleur des mondes, c'est d'avoir les deux. Et bah, finalement, ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire, moi, je me verrais mal jouer à Evil Within 2 sur ma Wii U, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à prendre des consoles Nintendo, parce que c'est vrai qu'il y avait des vrais exclus. Alors, à moins de jouer en émulation sur le PC, et encore, il y a toujours, voilà, effectivement, il y a au moins toujours 3-4 ans de retard pour l'émulation, pour que ça commence à devenir correct. Donc là, bon, c'est vrai que moi, pour moi, je préfère avoir un bon PC qui tourne bien. Puis la course au matériel, finalement, c'est plus si vrai que ça. Les cartes graphiques, elles évoluent plus si vite que ça. Les processeurs, on les change quasiment plus parce que maintenant, c'est les cartes graphiques qui font le boulot. Ouais. Donc, du coup, finalement, moi, j'échange de cartes graphiques tous les 3-4 ans, comme une console. Ça me coûte le même prix, à peu près 300-400 €. Et ouais, c'est similaire, quoi. Donc, voilà, maintenant, je pense les deux. Moi, c'est vrai que PlayStation et Xbox, Xbox 360, j'avais adoré. Les dernières sorties, ça a pas fait le truc. Alors c'est peut-être parce que je deviens vieux, donc du coup. Il y a plus d'évolution aussi. Il y a plus de grosse évolution graphique là. C'est bon de passer de 2K à 4K. Parce que les nouvelles consoles qui vont sortir, là, ça va être la Xbox One X qui va passer en 4K. C'est ça aussi, c'est que les consoles avant, elles étaient cramées par la puissance des PC. Les jeux étaient beaucoup plus beaux, plus fluides. Maintenant, c'est moins le cas quand même. Alors après, il y avait la guerre à l'époque de l'Atari 2600. Finalement, qu'est-ce qui a fait la différence? C'était jamais le hardware, ça a toujours été le software. Et maintenant, moi, le truc qui aurait pu être dans les coups de gueule, mais je ferai une prochaine fois si je reviens, c'est surtout qu'au niveau software, je trouve les jeux qui sortent, c'est d'une pauvreté, c'est affligeant, quoi. Donc du coup, là, quand j'ai acheté la 360, il y avait Fable 2, je voulais y jouer. Bon, il était naze. Mais je voulais jouer à Fable 2. Il n'y avait que sur 360. Là, sur Xbox One ou que ce soit PS4, il n'y a aucun jeu qui me donne envie. Quoi. C'est vrai que pendant des années, les gens achetaient des consoles parce qu'il y avait un jeu emblématique. Exactement. Pas comme Nintendo maintenant, où tous les gens achètent du Nintendo parce qu'il y a le nouveau Zelda ou parce que il y a. C'est FF7 qui a fait vendre des PlayStation. Hein. C'est pas la PlayStation qui fait vendre des FF7. Ouais, enfin, c'est ça. Donc c'est Resident Evil 4 qui a fait vendre des GameCube. Voilà. Surtout le fait qu'il voulait que les licences, Shinji Mikami voulait que les licences sur Resident Evil sur GameCube. Alors il a été vivement critiqué pour ça, c'est pour ça qu'il s'est fait débarquer. Mais c'est vrai qu'il voulait que ça sorte que sur GameCube. C'est pour ça qu'il y a eu Resident Evil 0 qui était ressorti, le remake de Resident Evil, et ça a fait vendre des GameCube aussi. Ça a fait vendre des GameCube. Jérém? En fait, moi je suis 95% du temps sur le PC, clairement. Mais parce que pour moi, le support là est largement meilleur pour les jeux auxquels je joue. Déjà, c'est des STR, c'est des MMORPG, c'est des jeux de cartes et tout ça. Après, clairement, moi, la console, c'est déjà, ou alors pour faire, comme quand j'étais jeune, des tournois, voilà, de FIFA, de n'importe quoi, entre potes et tout, tu fais soirée bière, pizza, FIFA, et puis voilà. Et tu peux le faire sur PC. Super. Si, ça s'appelle une LAN party. Oui, non, mais voilà. Non, mais là, la logistique qui vaut. 18 voitures avec mais un PC plus dedans. C'est plus la FIFA en LAN, c'est classe quand même. Non, mais franchement, pour le coup, là, pour moi, c'est l'énorme avantage de la console. C'est justement, tu es devant, c'est plus vraiment le truc ludique et. Entre potes. Et ouais, voilà, entre potes. Et bah, perso, moi, je joue que à toute la série des God of War et tout. Quand je me mets devant la console, je me mets dans le canapé et je me pose comme une crotte et. Et c'est pour me défouler, c'est pour vraiment vider le cerveau, quoi. Alors que le PC, effectivement, déjà, je bosse dessus en même temps, donc c'est quand même un peu différent. Mais le PC, l'énorme avantage aussi, c'est que tu joues un FPS dessus. Par exemple, je vais citer Overwatch parce qu'on connaît mes orientations. Mais dans l'absolu, tu joues à Overwatch, t'as pas le logiciel ou le jeu qui t'aide à cibler un truc. Tu joues demain à Call of Duty ou des trucs comme ça sur console. C'est tellement pas pratique que en fait t'es obligé d'avoir une assistance pour viser parce que manette, c'est clair, infaisable. Et pour moi en fait c'est juste un support pas adapté. Et maintenant c'est la Microsoft, c'est à partir de laquelle qui vont rajouter une souris et un clavier là. C'est de la Xbox, je sais plus, on en avait parlé. C'est la S ou la X, je sais plus. Mais pour moi c'est un aveu en fait de le PC est au-dessus, en fait. Enfin, ça me semble bien sûr que logique. Le PC est au-dessus. Et du coup, finalement. Non, mais Donc, moi, oui, le PC est au-dessus. Les mecs qui jouent à la manette, alors c'est pipeau ou pas? Parce qu'à une époque, il y avait. Alors, c'était et pas tu peux jouer à la manette sur PC. Non, mais pour les FPS, notamment. Je voyais à l'époque, il y avait quelqu'un il y avait un mec qui était démonstrateur de chez Manette, je sais plus, chez Big Ben ou un truc du genre. Il avait dit non, mais à la manette, ça se fait très bien et qu'il mettait des roustes à des bains comme ça. Mais Big Ben, ils ont été sponsors du FCMS, donc. Ils vendent des manettes. C'est pas un argument. Donc c'est forcément du bidon. Oui. Mais la manette, alors tu penses vraiment que c'est du pipeau, le mec, quand il faisait les démos? Parce que moi, c'est vrai que les souris, moi, sur Evil Within, tu vois la différence. C'est-à-dire, même dans les trucs que tu peux acheter avec le gel que tu trouves dans le jeu, t'as un truc pour éviter que la souris bouge. Parce que t'as déjà un handicap là-dessus, quoi. Les manettes de console, c'est du pipeau. Après, t'as toujours une assistance dans les jeux rapides, c'est pas possible. En fait, humainement, tu peux pas avoir les yeux et les mains qui s'adaptent aussi vite à tirer. Enfin, c'est pas. En tout cas, Jérémy, t'as raison de préciser qu'il reste quand même des jeux qui sont pas adaptés à la console. L'inverse est moins vrai. Oui. Tous les jeux PC aujourd'hui, tu peux jouer avec ta manette Xbox One, dans ton fauteuil. Et t'as les machins qui s'affichent, genre appuyer sur A, appuyer sur B, alors que t'es sur un jeu ça, PC. Ça effectivement. Pensé, tu joues avec ta souris sur ta console. Enfin, faut voir aussi. Dans ton salon, tu vas pas mettre un bureau devant la télé. Bah, au final, avec ta souris sur ton canapé. Et moi, je trouve ça insensé pour un FPS. Par exemple, je trouve ça insensé de jouer un FPS avec une manette sur console. C'est pas pareil. Un MMORPG, c'est impensable. Tu joues à WoW et tu fais tes raids sur WoW avec une manette, mais enfin déjà t'as pas assez de touches clairement. Les jeux de gestion, mais League of Legends et tout, tu peux pas. Ah non, tu peux pas, bien sûr. C'est impossible. Donc effectivement, ce point de vue, le PC a des. Après, ce qui est vrai sur l'évolution, c'est que maintenant le mec qui a plus beaucoup de thunes pour avoir un PC de compète, il peut quand même jouer à tous les jeux. C'est faux de dire aussi que le PC c'est un truc élitiste où t'es obligé de changer. ton matos toutes les 5 minutes. Oui. Tu peux conserver une carte graphique pendant quelques années presque, et puis continuer à jouer, quoi. C'est pas obligé de mettre du pognon. T'as plein de jeux sur le net, des sites comme Steam ou GOG.com où il y a des promos Halloween jusqu'au 2 novembre. Où tu peux acheter plein de jeux pour pas cher, même des vieux plus ou moins, des jeux qui ont quelques années. Ouais. Ouais, mais regarde par exemple les jeux qui sont le plus regardés, joués et tout, c'est LOL qui est super moche. Enfin, League of Legends, pardon. C'est Counter Strike. C'est des jeux comme ça. Mmh. Rainbow Six, Siege et tout. Enfin, c'est pas joli. T'as pas besoin d'un gros PC. Et c'est vraiment le truc accessible à tout le monde pour moi quand tu mets un PC. Il y a des jeux jolis aussi, hein, sur PC. Hein. Oui, non mais bien sûr. Il faut mettre 100 Go. Quoi. Le problème, c'est là Forza 7 qui vient de sortir 100 Go pour installer ton jeu. Ouais, oui. Après, de toute façon, maintenant, là, quand tu DL un jeu, c'est toujours au moins 40, 60. Ouais, tu peux mettre 100. J'avoue, c'est beaucoup. Ouais, c'est plus lourd. Et les consoles, elles ont quand même pris aussi un avantage certain. C'est-à-dire qu'à la base, si tu voulais jouer en réseau, pendant longtemps, il fallait un PC. Sinon, tu jouais à deux manettes, quatre manettes. Waouh, c'est génial, on jouait à quatre. En écran splitté, c'est super. Là, les consoles, c'était pourri. Après, voilà, il y a les réseaux qui sont arrivés sur les consoles. Puis sous-entendu, les consoles sont devenues de plus en plus des PC. C'est un PC maintenant, une console. Oui. Techniquement, le hardware, c'est un hardware de PC. C'est Xbox qui a commencé ça. Hein, Xbox, c'est Microsoft qui a lancé Microsoft sa console. Qui a lancé sa console. Mais même, voilà, même la PlayStation, c'est un PC. Oui. Finalement, après, tu peux te connecter sur Internet pour jouer en réseau. Ça a été quand même une révolution. Le débat est un peu biaisé parce que déjà à l'époque, il y avait toujours les gens qui connaissaient le matériel et qui savaient s'en servir et ceux qui ne savaient pas. C'est-à-dire, on a tendance, vu que là, le débat est biaisé parce que je pense que tous dans cette pièce, on connaît l'informatique, on sait comment marche un ordinateur. Ouais. T'as des gens, ils connaissent que dalle. Je vois pas, ils ne vont pas changer de carte graphique. Mon imprimante, elle n'imprimante pas bien et puis ça leur suffit. Donc le débat est biaisé, ils amènent une console, ils la branchent, ils jouent. Ouais. Alors que sur le PC, il y a quand même plus d'étapes, quoi. Ouais, il y a un côté casu presque à jouer sur console et du coup. Encore ce terme de casu. Mais oui, mais bien sûr, mais parce que c'est casu. En plus, jouer sur console, c'est casu. Moi, un PC, j'étais pas. Quand je voulais mettre une nouvelle carte graphique, j'allais chez le marchand de carte graphique. Oui, au pire, et tu payais 3 fois plus. Ouais, tu payais. Et du coup, tu disais, c'est cher d'avoir un PC. Ah, c'est bon. Mais la mère Michou, elle sait pas faire ça. Les consoles, c'est mieux, et puis c'est tout. Mais les consoles, après, pour moi, si je peux me permettre, tant pis pour Ben, ça fera pas plaisir. Comment ça, tant pis pour Ben? Non, mais pour moi, en fait, la console, ça a une connotation, c'est presque inconscient, mais c'est une connotation d'enfant, en fait, malgré tout. Tu joues à un jeu des fois j'y joue, il n'y a pas de souci, mais en fait le PC fait plus sérieux fait plus sérieux. Sur un CV, ça fait plus sérieux. Oui, je joue monsieur, sur PC. Mais non, mais on parle pas d'un CV, mais c'est juste que quand tu te poses devant. Sur un CV de e-sporter. Oh, quand tu te poses devant ta console, en général, c'est plus c'est vraiment du ludique et du débile. Ouais, sur PC, tu joues pas pour te prendre la tête parce que tu joues sur PC. Mais bien sûr que si, Benjamin. Et tu dis ça parce que Ben a 14 ans, quoi. C'est n'importe quoi ce que tu dis, quoi. Calmez-vous. Je suis pyjama 57 sur Call of Duty. Sur un caramel. Ah, putain. Du coup, voilà, PC ou console, en un mot, PC ou console au-dessus, Jérém. Mais PC tous les jours. Évidemment. Ben. Je suis pas d'accord avec ce débat, mais juste pour vous faire chier, console. Jack. Ouais, je suis partagé aussi. Moi, je dirais PC pour tout le reste. PC 3 contre 1, voilà. On a gagné. PC pour YouPorn aussi. Ah, ce sera le débat dans 2 semaines. Donc oui, on vous le rappelle, pas d'émission la semaine prochaine puisqu'on passe sur un format de 2 semaines désormais et on rajoute une petite demi-heure en prime du coup. Ça veut dire que dans 2 semaines, ce sera donc non pas de 11h30 à 12h30 mais de 11h à 12h30, donc samedi dans 2 semaines. Et puis pour nous réécouter en podcast, ce sera sur gametrip.net dès ce soir et en rediffusion mardi soir sur BL Radio à 19h30. Merci à vous trois d'avoir participé à ce débat et à cette émission. Merci Jack pour ta première. Merci, merci pour l'accueil. Peut-être à une prochaine, on l'espère. Merci Ben, merci Jérém. De rien. Bisous. L'histoire au coin du feu. Bisous. Et on se retrouve donc dans 2 semaines. Bisous. Salut. Plus proche des Lorrains, BL Radio.